Je suis arrivé un 4 février, il faisait nuit je crois, la ville flottait dans le froid. Des ombres étranges s'agitaient autour de moi. C'est loin d'être rassurant, un lieu que l'on ne connaît pas. Je peine à observer de mon si jeune âge cette foule de gens qui me dévisagent. On m'embrasse, me sourit, félicite ma mère. Une voix dans l'assemblée me dit: bienvenue sur terre. Les journées passent en douceur. Je mange, je dors et je pleure. Devant des insectes minuscules, sans jamais, jamais pour autant paraître ridicule. Les joies des premières années ne durent jamais assez. Personne n'est là pour nous dire que c'est après que vient le pire. Alors on baigne dans le futile, le paisible et le facile, en attendant patiemment que la vie nous offre ses soucis. Les années passent et les printemps se fanent. Doucement mais sûrement, la vie prend tout son temps. Elle nous sème un matin et vous quel quand vient la fin. Alors, en attendant, on fabrique des histoires contre la peur du noir. Et puisque tout s'efface, on s'embrasse, on s'enlace en profitant du temps qui passe. Un peu plus tard, les ennuis commencent. Pas facile d'être un enfant lorsque l'on y pense. La pitié n'existe pas chez ces gens-là. C'est des bagarres à la récré. Et c'est pas moi, c'est lui qui a commencé. La question existentielle, la cloche-pied sur la marée. L'interrogation superficielle pour le coma des mortels. C'est quoi ce truc tout là-haut qui traverse le ciel? Tu sais compter jusqu'à combien? Est-ce que tu sais marcher sur les mains? J'approchais des 18 ans. L'est mes parents, à l'ouest ma rébellion d'adolescent. Séparé par le mur de ma bêtise, je méprise tout le monde du sommet de ma crise. J'en vois valser l'autorité, je n'ai que de grandes idées. Partir loin de chez moi, un sac à la main, découvrir le monde, bouffer la vie à pleine dents. Mes journées sans vite sur terre, car je ne suis qu'un gamin en pleine crise existentielle. Va-t-il, ça passe avec le temps. Les années passent et les printemps se fanent. Doucement mais sûrement, la vie prend tout son temps. Elle nous sème un matin et vous cueille quand vient la fin. Alors, en attendant, on fabrique des histoires contre la peur du noir. Et puisque tout s'efface, on s'embrasse, on s'enlace en profitant du temps qui passe. Arrive alors à grands pas la trentaine, me voilà déjà papa. Avec cette femme qui m'aime, trois gamins qui courent dans le jardin d'un petit pavillon de banlieue parisienne. En somme, la famille parfaite, parfaite, un peu trop peut-être. De vacances à la montagne, en week-end à la mer, un train de vie ordinaire pour petit trentenaire. Mais la flamme des premiers jours avec les années s'essouffle, un dernier grain d'amour dans le sablier du temps qui court. La la la la la la la la la la la. Sur le corps et ce soir en douceur, paisiblement je m'endors. La vie m'a offert ce qu'un homme peut rêver de mieux. Et je pars aujourd'hui dans cette brise d'automne, apaisé et heureux. Le jour de mon enterrement, il y aura des fleurs de toutes les couleurs et tout un tas d'enfants. La poésie, la musique, la danse, ne vous en faites pas, penser juste à moi de temps en temps. Les années passent et les printemps se fanent. Doucement mais sûrement, la vie prend tout son temps. Elle nous sème un matin et vous quel quand vient la fin. Alors, en attendant, on fabrique des histoires contre la peur du noir. Et puisque tout s'efface, on s'embrasse, on s'enlace en profitant du temps qui passe.